écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. Dans notre série intitulée « Le mariage divin », nous vous présentons aujourd'hui le sous-thème intitulé « Les devoirs des deux conjoints ». Il la nourrit et prend soin d'elle. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Parce que l'homme était seul et sans aucune aide humaine, face au grand service qu'il devait rendre à Dieu et à toute l'humanité, Dieu dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Depuis l'origine du mariage dans la Genèse, la femme avait été créée pour accompagner et pour aider l'homme à demeurer au jardin des délices et en communion parfaite avec leur Dieu comme elle l'avait trouvé. Elle devait aider continuellement son mari à maintenir le jardin cultivé et gardé, et non pour séparer Adam de Dieu et de le pousser sous la domination de Satan et hors du jardin d'Éden. Dieu avait enseigné ou révélé sa parole, ses voix et sa pensée à l'homme avant l'arrivée de la femme, afin que ce soit l'homme qui, à son tour, instruise sa femme selon les voies de Dieu et selon son appel pour eux. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11, nous dit à cet effet que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ici, il s'agit de l'homme, son mari, qui lui-même est supposé être obéissant à son chef qui est Christ. La femme peut conseiller son mari. La femme peut même aussi partager à son mari ce que son mari ne sait pas et que elle sait. Ce que Dieu ne veut pas ici, c'est que la femme donne des instructions à son mari. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Dieu avait donc créé la femme pour qu'elle soit l'aide de l'homme, afin que l'homme cultive et garde le jardin d'Éden avec la compagnie et surtout l'aide de cette dernière, sa femme, comme Adam avait déjà commencé à le faire sans faute avant l'arrivée de cette dernière. Par exemple, 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 10 nous dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes. Cessons de chosifier les femmes, cessons de les enfantiliser, d'imposer cette caricature de prostituées aux femmes qui doivent attendre tous les hommes juste parce qu'elles leur donnent leur corps, fussent-ils leurs époux légitimes. 2 Thessaloniciens 3, au verset 11, continue à dire « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » C'est pour cela que pour éviter ce qui est arrivé à Adam après l'arrivée de la femme, certains hommes prennent l'option suivante de l'apôtre Paul, et nous en trouvons de plus en plus de nos jours. 1 Corinthiens 7, verset 32. « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. » Et à partir de ce moment-là, personne ne peut suivre deux maîtres à la fois. En ce qui concerne le cas d'Adam, il s'était retrouvé à un niveau où il fallait qu'il suive deux maîtres. Le véritable maître Dieu qu'il suivait jusqu'à présent et le second maître qui était arrivé, son épouse, sponsorisée par le serpent ancien. Et Adam a commis l'erreur de pencher la balance en faveur de son épouse. Aïe, aïe, aïe. Nous nous souvenons de la condamnation de Dieu envers Adam. Puisque tu as écouté ta femme, nous paraphrasons, au lieu de m'écouter moi Dieu, alors voici ta sentence. À tous les hommes qui nous écoutent, ne faisons pas l'erreur d'Adam qui était arrivé à un niveau où il avait mis sa femme au premier plan et Dieu au second ou même au dernier rang. Christ n'a jamais fait confiance ni été en communion avec son Église plus qu'avec son Père. Si oui, il n'aurait pas glorifié le Père du début jusqu'à la fin. Comme le premier Adam avait échoué, aidé par sa femme selon le serpent ancien et non selon Dieu, il fallait que le second Adam, Jésus-Christ, vienne réussir là où le premier Adam avait échoué. L'homme doit être et demeurer le chef de sa femme, comme Christ est et demeure le chef de l'Église, sinon patatras. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 11, le Seigneur nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Nous entendrons toujours de la bouche de Dieu en ce qui concerne un couple ou un foyer. « Adam, Adam, où es-tu ? » Et jamais « Ève, Ève, où es-tu ? » Alors, cher homme qui m'écoute, quelle réponse donneras-tu à Dieu quand il t'appellera ? Lui donneras-tu la même réponse qu'Adam lui avait donnée à Éden ? « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Cette réponse ne vous affranchira jamais. Seigneur, au lieu de cultiver et de garder le jardin d'Éden aidé par la femme que tu m'as donnée pour ta seule gloire, je l'ai plutôt aidé à s'autodéterminer afin qu'elle soit ma déesse. J'ai plutôt passé mon temps avec elle pour sponsoriser sa gloire et non la tienne. Au lieu de la former pour qu'elle m'aide à cultiver et à garder le jardin, j'ai passé mon temps à la travailler et à la garder pour qu'elle soit mon chef, ma superviseuse, la seule personne à qui j'obéis désormais et non plus à toi. Celle que je redoute et non plus toi, celle que je sers en esprit et en vérité et non plus toi. Aïe, aïe, aïe. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à mon sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Adam avait pourtant bien commencé en combattant le bon combat de la foi en la parole de Dieu, mais il n'a pas persévéré jusqu'au bout. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce qui était arrivé à Adam dans le jardin d'Éden. L'homme devait demeurer béni et fécond. Il devait multiplier la terre et l'assujettir dans l'atmosphère du jardin d'Éden, dans la seule communion avec Dieu et non dans celle avec le serpent ancien. Ceci avec la seule compagnie et l'aide de sa femme, parce que telle était la volonté, l'onction et la provision divine pour les deux. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Où ? Dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Où ? Dans le jardin d'Éden. Quelle vie abondante dans la santé divine, dans le succès divin, dans la prospérité divine, dans la victoire divine. Dans la paix divine, dans l'amour divin, dans l'unité divine et dans la gloire divine. Voilà le jardin d'Éden que nous devons sans cesse cultiver et garder. Parce que l'ennemi rôde, cherchant à nous ravir notre couronne, cherchant à nous faire expulser du jardin d'Éden. L'homme devait donc instruire sa femme et lui enseigner les noms qu'il avait donnés à toute la création divine. Pour que le jardin d'Éden demeure, il fallait que l'homme et la femme demeurent eux-mêmes dans la volonté et le plan divin. Suivant 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et maintenant, l'homme n'est pas le chef de toutes les femmes, mais l'homme est le chef de sa femme et Dieu est le chef de Christ. Voici des fondamentaux que nous ne devons pas violer, quels que soient les titres que nous avons dans le conseil matrimonial. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, Dieu nous dit ceci concernant les devoirs de l'époux envers sa femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. N'oublions pas, chaque fois qu'il s'agit de mariage, c'est Christ qui est le modèle des hommes et l'Église est le modèle des femmes, des épouses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ qui vient doter son épouse et qui s'en va lui préparer une place, non pas dans la famille de sa femme, mais dans celle de son père. L'époux doit venir doter son épouse chez le père biologique de cette dernière et ensuite la prendre pour l'amener chez lui. À cet effet, Christ dit à son Église dans Jean chapitre 14 à partir du verset 1 « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place où l'époux va préparer une place chez lui, chez son père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Comme Christ prend soin de son Église, c'est ainsi que le mari doit prendre soin de sa femme. Comment? Il lui enseigne la parole de Dieu comme Adam avait enseigné à Ève tout ce que Dieu lui avait révélé, afin que sa femme soit en phase avec lui seul et ne périsse pas en enfer, faute de connaissance, malgré les tonnes de bisous, de romances, de chocolat, de yaourt et de repas dans les restaurants qu'il lui donne sur la terre. L'homme doit laver son épouse par l'eau de la parole. Oui, il lui donne de la semence pour qu'elle gagne son pain à la sueur de son front et non de lui mâcher tout et de le lui mettre dans la bouche comme Satan le fait envers les prostituées en échange de leur esprit, de leur âme et surtout, ici sur la terre, de leur corps. Exemple, ce n'est pas Adam qui donnait ou qui faisait tout à Ève. Elle était son aide et non sa prostituée. Elle était son aide et non sa parasite en échange de son corps et de sa compagnie. Par exemple, la Bible nous dit dans Genèse 3 au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » C'est ensemble que Adam et Ève se sont cousus des feuilles de figuier. Et c'est ensemble qu'ils sont allés cueillir des feuilles de figuier. C'est ensemble qu'ils se sont fait coudre des ceintures. Ce n'est pas l'homme qui a dit « Oh chérie, attends, c'est moi qui veux t'acheter ou te faire coudre ta première jupe ou ta première culotte. » Parce que Dieu a créé les deux. Ève avait deux bras, deux yeux comme Adam. Elle avait deux pieds, elle avait un cerveau exactement comme Adam. Et puis, il est impossible que Dieu demande à la femme d'aller aider un homme à qui il a donné autant de travail si cette femme-là ne peut pas travailler. Dieu ne peut pas demander à un maladif ou à un paresseux pour qu'il aille aider quelqu'un à qui il a donné du travail. À cet effet, ce n'est pas seulement aux hommes que Dieu dit dans Éphésiens 4 au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner aussi à celui qui est dans le besoin. Mais il le dit aux hommes et aux femmes, cessons de chosifier les femmes, cessons de les infantiliser. Femme, vous-même, cessez d'avoir la mentalité des sous-êtres humains. Pour que Adam et Ève demeurent à Éden, il fallait que Monsieur Adam veille à ce que sa femme demeure une femme vertueuse, comme celle de Proverbe 31, et non une non-vertueuse, comme Jézabel et Vasti dans les Écritures. Souvenez-vous de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et ne passons pas nos temps à vivre dans le désordre et à nous occuper des futilités au lieu de travailler de nos mains et de produire des richesses. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne dit que ce sont les hommes seuls qui doivent produire des richesses afin de pourvoir à leurs femmes, afin de les nourrir et afin de prendre soin d'elles. Non, non, non, ce n'est pas ça que disent les Écritures. Les hommes doivent donc cesser d'encourager leurs épouses et leurs filles à être ou à demeurer des assistés, des parasites et des prostituées qu'ils sponsorisent et intronisent eux-mêmes et sous l'inspiration du serpent ancien. Cessons donc d'introniser nos épouses et nos filles en tant que reines de la terre et du ciel, freinant ainsi le développement, la prospérité et diminuant le niveau de vie de tous, et supplantant l'amour divin au profit des désirs de la chair et des plaisirs du monde. Mais les hommes doivent tout faire pour que leurs femmes et leurs filles soient ce pour quoi Dieu les a créés. Les aident pour leurs époux respectifs, dans tous les domaines de la vie, pour la seule gloire de Dieu, et en passant pour la gloire de leurs époux respectifs. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne, la gloire de son mari. Et Proverbe 31, verset 23 dit que le mari de la femme vertueuse était considéré aux portes lorsqu'il siégeait avec les anciens du pays. Pas par les mérites de l'homme, mais par les mérites de son épouse. dans Proverbe 31, Dieu avait loué une femme mariée parce qu'elle ne mangeait pas le pain de paresse en attendant tout de son mari, parce qu'elle cultivait son jardin d'Éden et le gardait contre le même serpent ancien qui avait séduit la première femme, Ève. Proverbe 31, verset 27 dit à cet effet, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Voilà la source de la gloire d'une femme. Il faut qu'elle soit vertueuse et non une insensée qui détruit sa maison, son jardin d'Éden de ses propres mains, comme Ève l'avait fait. Proverbe 31, verset 24. La femme vertueuse fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Ce n'est pas son mari qui lui donne cette gloire. Elle reçoit cette gloire de Dieu parce qu'elle craint Dieu. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur leur langue. Combien de femmes aujourd'hui dans nos églises ouvrent leur bouche avec sagesse? La femme vertueuse prend soin de sa maison. Toute femme qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 3, 4 nous dit, il faut que le responsable, homme ou femme, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ceci ne s'adresse pas seulement aux hommes, même aux femmes. Dans toutes les sociétés, la femme est la première éducatrice. Avec l'aide de sa compagne, de son aide, l'homme est responsable et en charge de tous les devoirs et de tous les droits familiaux. Avec l'aide de sa compagne, il veille sur la protection de sa maison. Malheureusement, plusieurs hommes jouent le jeu du monde et de la religion et font de leur épouse des dominées, des mendiantes, des assistées à vie en leur promettant tout, en leur donnant tout, juste parce qu'elles sont leurs épouses. Cela a des conséquences désastreuses pendant et après le mariage, surtout si l'homme décède ou s'il est victime d'un accident qui l'invalide. Exemple de la veuve de Deux Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Elle s'était retrouvée veuve, endettée, et les créanciers étaient venus pour prendre ses deux fils pour en faire des esclaves. Mais qu'est-ce que fit la femme? Elle alla consulter un vrai serviteur de Dieu. Pendant que son mari était vivant, elle ne travaillait pas. Elle attendait que ce soit son mari qui fasse tout. Maintenant que ce dernier est décédé, il ne reste à la femme qu'un peu d'huile dans le vase. Certainement, c'est son mari qui avait produit cette huile ou qui en avait acheté. La voici maintenant endettée. Maintenant que Dieu la remet au travail, elle commence à produire et elle paye ses dettes et elle est dans l'abondance. Pourquoi n'avait-elle pas commencé à travailler avant même qu'elle ne rencontre son mari? Et pourquoi n'avait-elle pas commencé à aider cet homme à produire de l'huile, à produire des richesses quand ils se sont mariés? Est-ce que c'est Dieu qui doit venir rappeler à une femme chrétienne qui a perdu son mari qu'elle doit se mettre au travail pour gagner elle-même son pain à la sueur de son front? Aujourd'hui, plusieurs femmes véritablement chrétiennes et sincères se prostituent, font naufrage par rapport à la foi, juste parce qu'elles ont été enseignées par le monde et la religion qu'elles attendent tout de leur mari. C'est le mari qui va pourvoir à leurs besoins, c'est le mari qui va les nourrir, c'est le mari qui va prendre soin d'elles. Et elles sont là-bas comme des jouets, comme des bébés, attendant tout de l'homme. Cela ne vient que du serpent ancien, mes bien-aimés. Le seul miracle que Dieu fit dans la vie de cette femme était de remettre cette épouse sincère et courageuse, mais qui était une mère d'enfant mal enseignée et paresseuse, devenue veuve. Oui, le seul miracle de Dieu était de la remettre au travail comme au commencement. C'est pour cela que Dieu lui avait donné deux bras, deux yeux, un cerveau, un corps complet, comme à son mari. C'est surtout pour cela que Dieu l'avait créée pour qu'elle aide son époux. Comment une femme peut-elle aider son époux si elle ne travaille pas? Cette femme était une religieuse. Elle avait cru. Elle était l'épouse d'un vrai serviteur de Dieu. Mais elle-même ne demeurait pas dans la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Alors, elle n'était pas affranchie. En Afrique, ce sont les femmes dites émancipées des villes qui sont plus des prostituées et des jouisseuses dans leur foyer. Alors que dans le pays profond, ce sont plus les femmes qui soutiennent les charges familiales que les hommes, ainsi disqualifiés aux yeux de Dieu. Chaque épouse a été créée par Dieu pour l'homme qu'elle doit aider dans tous les devoirs de ces derniers, c'est-à-dire produire ensemble, élever leurs enfants ensemble, payer les quittances ensemble, participer à la ration alimentaire ensemble, payer les factures médicales ensemble, payer le loyer et toutes les charges du foyer et de leur famille ensemble, selon les capacités que Dieu lui donne. Pourquoi attendre que le mari soit tombé malade, que le mari soit saisi par l'opération épervier? Pourquoi attendre que le mari décède pour qu'on se rende finalement compte que nous sommes aussi capables de travailler et de produire? Le meilleur exemple que Dieu nous donne de toute épouse vertueuse, c'est-à-dire vraiment chrétienne, est celui de Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de fortes servantes et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et non du fruit de son oisivité et non du fruit de sa féminité et non du fruit de sa beauté physique et de sa grâce physique qui ne sont que tromperies. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Ses œuvres la loue. Dieu ne dira jamais et que sa féminité la loue. Dieu ne dira jamais et que sa nature faible par rapport à l'homme la loue. Jamais. Que ses œuvres la loue. Tant que Dieu lui-même ne loue pas une femme, elle n'est qu'une femelle et non une femme vertueuse et non une épouse à son mari. Parce qu'elle ne répond pas au profil de la parole de Dieu que nous venons de lire. La femme vertueuse prend soin de son époux comme l'église prend soin de Christ. Dans Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3, les 12 étaient avec Christ et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, telles que Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti cet démon, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leur bien. Voilà l'église qui prend soin de Christ. C'est ainsi que toute véritable épouse doit prendre soin de son époux. Chère épouse chrétienne, si ce sont seulement les hommes qui doivent pourvoir, nourrir et prendre soin de leurs épouses, qui donc doit pouvoir nourrir et prendre soin de vos époux, si ce n'est vous? Et nous croyons que les hommes ont plus besoin des soins de leurs épouses que le contraire. Suivez mon regard. C'est pour cela que l'Église donne des offrandes et des dîmes à son époux. Agé 1, verset 7 à 9. La femme vertueuse de Proverbe 31 l'avait bien compris. Nous avons aussi l'exemple dans Luc chapitre 7, à partir du verset 37, de cette autre femme qui était venue laver les pieds de Jésus, et les essuyer avec ses cheveux, et les parfumer. Et les religieux combattaient cela. Au verset 40, Jésus prit la parole et dit à Simon, un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, aucun de nous ne peut payer pour ses propres péchés. C'est Jésus-Christ qui paye pour nos péchés et les autres, et il fait de nous son épouse. Il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? L'épouse doit aimer son époux, sinon il n'y a pas mariage. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus aimé. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alors, cessons d'enseigner la religion aux femmes en leur disant qu'il n'y a que vos maris qui doivent prendre soin de vous, qui doivent pourvoir à tous vos besoins et qui doivent vous nourrir. C'est l'Église qui prend soin de Christ. C'est réciproque. Dans Marc chapitre 7 à partir du verset 11, quand Christ voulait l'annon pour entrer à Jérusalem, c'est son église qui est allée détacher l'annon, qui lui a apporté l'annon, il est monté dessus. C'est son épouse qui a mis les habits sur le chemin et l'annon marchait sur et l'époux était assis sur l'annon. Et c'est l'épouse qui chantait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Il fallait que l'épouse prenne soin de l'époux afin que le ministère de l'époux soit possible. Je ferai à Adam une aide semblable à lui. Si Adam n'avait pas besoin d'aide, Dieu n'aurait pas créé la femme. 1 Corinthiens 11, le verset 8. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Plusieurs hommes n'accomplissent pas leur destinée divine aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas une aide semblable à eux, mais ils ont des rivales, des opposantes non semblables à eux. Dès qu'une femme apporte une vision ou une autre mission qui est sur la mission de son mari, alors il n'y a plus soumission de la femme, mais il y a surmission de la femme. Et cela ne vient que du serpent ancien. La femme, à son tour, fait sur la protection de son époux, de leurs enfants. C'est ce que faisait la femme vertueuse de Proverbe 31, que plusieurs femmes religieuses n'aiment pas. C'est pourtant la référence que le Dieu de la Bible donne à toutes les femmes chrétiennes. Il est impossible d'être une femme véritablement chrétienne si en même temps on n'est pas une femme vertueuse d'après le modèle de Proverbe 31. Parce que Proverbe 14 au verset 1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison parce qu'elle est vertueuse. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains parce qu'elle n'est pas vertueuse. » Proverbe 12, verset 4. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais la femme non vertueuse, celle qui fait honte, est comme la carie dentaire dans les eaux. Aïe, aïe, aïe. Qui peut trouver une femme vertueuse? Le cœur de son mari a confiance en elle. Combien d'hommes aujourd'hui ont confiance en leur femme? C'est pour cela qu'une non-croyante ne peut pas être une vraie épouse. Parce qu'elle n'aura pas les aptitudes pour gérer. Il y a des hommes qui sont des nabals, des fous, des brutes. Et là aussi, Dieu intervient dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, même à ceux qui sont des dragons, des nabals. Quand ils verront votre manière de vivre chaste et respectueuse et soumise, ils seront gagnés sans parole à Jésus-Christ. C'était le comportement d'Abigaël. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, nous trouvons des femmes qui attendent tout de leur mari. C'est le mari qui paye le loyer de la maison. C'est le mari qui doit payer l'huile. C'est le mari qui doit acheter les allumettes. Mes sous-vêtements sont finis, c'est le mari qui doit acheter. Mes babouches sont finies, c'est le mari qui doit acheter. Je dois aller chez le coiffeur, c'est le mari. Oh. Si Adam avait eu une épouse vertueuse du début jusqu'à la fin, nous serions tous encore aujourd'hui dans le jardin d'Eden, le jardin des délices, dans la communion parfaite avec Dieu. Parce que la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Quand Dieu avait donné à Adam de cultiver le jardin et de le garder, il fallait cultiver le jardin pour que cette atmosphère de communion parfaite avec Dieu demeure. Et il fallait garder le jardin contre qui? Contre le serpent ancien. Au lieu de garder son jardin contre le serpent ancien, elle a plutôt ouvert la porte au serpent ancien dans son jardin, dans sa maison. Ma mère était une femme religieuse, elle était illettrée, et elle vendait de l'huile de palme au marché Lagos, à Douala. Très tôt, elle avait dit à mon père, « Pour notre enfant, à Banga Onana, toi, occupe-toi de la scolarité. Moi, sa mère, je vais m'occuper du reste, que ce soit l'habillement, argent de poche, nutrition, je m'occupe de notre enfant. » Et c'est ce qui s'était passé tout le temps où j'étais à l'école primaire. J'ai eu mon CPE en 1966. Il fallait donc entrer au collège. Mon père n'avait plus d'argent parce qu'il avait épousé plusieurs autres épouses et il avait plusieurs enfants. Et il n'avait plus les moyens d'envoyer cet enfant à l'école. Qu'est-ce que ma maman a dit? Ma maman a dit, ah, moi j'ai mon fils, je vends de l'huile. En plus des vêtements que je dois faire, je vais lui payer la scolarité. C'est ma maman qui m'a payé la scolarité de la 6e jusqu'à l'université. Si ma maman était ces femmes-là qui attendent tout de leur mari, j'ai fait les enfants avec un homme, il est maintenant incapable de payer la scolarité, je serais resté au niveau de l'école primaire avec seulement un CPE. Femme qui m'écoutait, pourquoi aimez-vous faire la compétition avec vos époux? Parce que vous ne voulez pas faire ce pourquoi Dieu vous a créé. Là où l'homme échoue, toi la femme, si tu es son aide, réussis-la, parce que deux valent mieux que un. Sinon tu te retrouveras dans la situation de la veuve de deux rois, chapitre 4 à partir du verset 1. Là où ton mari a échoué, toi réussis là. Sinon, tu n'es pas son aide, selon le Seigneur. Le mariage est divin. Les devoirs des uns et des autres. Selon Dieu, pas selon nos chapelles religieuses. Pas selon le monde. Pas selon la sagesse humaine. Pas selon le serpent ancien. Il est impossible d'être un bon époux si nous n'avons pas pour chef Christ. Et il est aussi impossible d'être une épouse vertueuse si nous n'avons pas pour chef Christ. Thank you. Je suis à Banga Onana. Dans notre série intitulée Le mariage divin, nous vous présentons aujourd'hui le sous-thème intitulé Les devoirs des deux conjoints. Il la nourrit et prend soin d'elle. Dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19, nous lisons ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Si la mouvance chrétienne pouvait croire et demeurer dans cette parole de Dieu, l'ennemi ne contrôlerait pas de nos jours une grande partie du christianisme à cause de nos interprétations particulières de la parole de Dieu. Lisons Éphésiens 5 à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Avant d'analyser ensemble le passage biblique que nous venons de lire, ceci dans un esprit de prière pour que le Saint-Esprit nous le fasse comprendre selon la pensée divine, parcourons d'abord les passages bibliques suivants. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Nous croyons que c'est à partir des passages bibliques comme celui que nous venons de lire que les prédicateurs et les enseignants de la Bible que nous sommes commencent à faire des petites filles et les épouser des objets, des parasites, des assistés à vie, des prostituées, des prises en charge à vie. Et en même temps, nous commençons à faire des petits garçons, des acheteurs d'amour qui sponsorisent la prostitution des femmes célibataires ou mariées. Des hommes qui maintiennent les femmes dans la position des esclaves, des humains qui ne peuvent rien faire de bon ni même se prendre en charge si les hommes ne les achètent et ne les séduisent et ne les contrôlent pas par l'argent et par les biens matériels. Mais le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous comprenions mieux de quel désir il s'agit quand nous lisons ce passage. Quels sont les désirs de la femme maudite par Dieu qui se porteront vers son mari jusqu'à ce qu'elle soit sauvée et devienne une femme vertueuse et une couronne pour son mari? Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Plusieurs serviteurs de Dieu déroutent plusieurs jeunes filles et plusieurs dames en leur lavant le cerveau et le cœur par des enseignements tels que votre gloire dépend de votre mari et presque jamais des femmes elles-mêmes. Alors que même les femmes qui ont la pensée divine enseignent à d'autres hommes que la gloire de toute femme dépend d'abord d'elle-même, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ seul qui dit Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parce que quand une femme célibataire ou mariée sait d'abord se prendre en charge elle-même avec sa relation parfaite avec Dieu, elle est respectée par tous, y compris par l'homme qui viendra la demander en mariage, y compris sa belle famille, sa famille natale et l'église de Jésus-Christ. Exactement comme cela était le cas de la femme vertueuse de Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Et parce que c'est la femme qui est la gloire de son mari et non la carie dans ses eaux, le mari de la femme vertueuse était considéré dans le pays à cause d'elle. Proverbe 12, verset 4. Si Ève avait été la couronne de son mari et non celle du serpent ancien, nous n'en serions pas aux larmes de nos jours. 1 Corinthiens 11, verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et quand même Dieu donna Ève à Adam, c'est l'homme seul qui apprécia sa femme en rendant grâce à Dieu. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La première fois que la Bible nous fait écouter les paroles de Ève, c'est quand elle était aux prises avec le séducteur qu'elle aidera à supplanter Adam. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et quand l'homme et la femme chutèrent et qu'ils découvrirent qu'ils étaient nus, ce n'est pas l'homme qui acheta ou qui cousut à sa femme sa première culotte, sa première jupe ou sa première robe pour couvrir sa nudité. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuillus de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Parce qu'aucun d'eux n'était infirme, ni paralysé ou malade, ensemble, Adam et Ève se cousurent leur cache-sexe. Malheureusement, de nos jours, surtout dans nos milieux dits chrétiens, qui devraient être la lumière du monde, ce n'est que quand un homme fait tout à sa femme, quitte à oublier le plus important ou même leurs enfants et leurs vieux jours, ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde religieux et charnel s'accorde à dire qu'il aime vraiment sa femme et que leur mariage est réussi et solide. Et quand une jeune fille va en mariage et que deux ou trois mois après, ses amis, ses sœurs ou même ses dirigeants spirituels la voient porter les mêmes habits qu'elle portait avant son mariage, ils s'exclament presque tous que son mari ne la gâte pas, que son mari ne prend pas soin d'elle. Quelle est pitié, Dieu n'a pas donné Ève à l'homme pour qu'il la gâte, mais tout au contraire, pour qu'il s'assure qu'elle ne va pas se gâter elle-même. Malheureusement, c'est ce qui arriva au jardin d'Éden. C'est nous, les éducateurs, les parents, les dirigeants religieux, qui inculquent la pensée charnelle et mondaine au lieu de celle de Dieu à tout ce beau monde des écoles du dimanche jusqu'aux chrétiens mûrs, adultes, dans nos différentes assemblées chrétiennes. Et pourtant, Proverbe 22 au verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Quelle instruction devons-nous donner à nos enfants? C'est la parole de Dieu. S'adressant principalement aux femmes, le Saint-Esprit dit à tous, y compris aux hommes. 1 Timothée 5, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. Et puis, dans Proverbe 31, Dieu définit clairement le modèle ou le portrait robot de toute femme véritablement chrétienne, qu'elle soit célibataire ou mariée. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Cela signifie que toutes les femmes que Dieu a approuvées et louées dans les Écritures, quel que soit le rôle qu'elles jouaient, épouse ou pas, mère d'enfant ou pas, membre du clergé ou pas, étaient avant tout des femmes vertueuses selon lui et non selon la sagesse humaine et non selon la chair, le monde, la religion et le diable. Avant de revenir dans notre Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 que nous avons lu plus haut, n'oublions pas que nous avons mis l'accent sur cette expression dite par Dieu à Ève quand il la maudissait. Que tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et nous avons aussi lu dans Genèse 4 que Dieu avait dit cette même expression à Caïn pendant que Caïn avait le cœur enflé de haine et de jalousie contre son frère Abel. Dieu lui avait dit, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Exactement ce que Dieu avait dit à Ève. Alors, de quel désir s'agit-il donc? Plusieurs dans les églises enseignent aux femmes que Dieu avait dit à Ève, la maudite, que tes désirs, tes besoins, tout ce que tu veux, l'argent, la nourriture, les vêtements, le bien-être, tous ces désirs-là se porteront vers ton mari. Mais ton mari dominera sur toi. Cela est insensé. Dieu disait à Ève, qui avait déjà la semence du serpent enchaînée en elle et qui avait précipité l'homme et elle-même à la chute, que ses désirs de domination se porteront vers son mari, mais ce dernier dominera sur elle. La même chose à Caïn, le péché se couche à ta porte et les désirs de domination du péché se portent vers toi. Mais toi, Caïn, domine sur le péché. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Pour comprendre ce passage aussi, nous devons regarder à la loupe comment Christ nourrit et prend soin de son épouse qui est l'Église. Nous devons former les femmes et les hommes à prendre pour modèle de mariage Christ et son Église. Comment Christ prend-il soin de son épouse et la nourrit-il? Pour répondre à cette question, nous devons strictement veiller à ne pas violer la vérité biblique suivante de Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Il n'est pas dit comporte sa féminité la loue. Le fait qu'elle est seulement la compagne et qu'elle couche dans le même lit avec son mari la loue. Il n'est pas dit que son caractère de se croiser les bras pour attendre tout de son mari la loue. Mais il est écrit, il comporte ses œuvres la loue. Il n'est pas dit comporte parce que son mari prend soin d'elle, la nourrit et il pourvoit à tous ses besoins qu'elle soit louée. Ce n'est pas ça que les Écritures disent, mais que ses œuvres la louent. Ses œuvres ne la louent pas seulement ici sur la terre, mais même au ciel où ses œuvres la suivent. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si la mère de Abanga Onana attendait tout de mon père, son époux, Abanga Onana ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'aurais arrêté mes études au cours moyen 2 après avoir obtenu mon CEPE et incapable d'entrer au collège parce que je n'avais personne pour me payer la scolarité au collège. Voyant que mon père était désormais devenu incapable de me payer la scolarité parce qu'il était surchargé par ses multiples épouses et par le grand nombre d'enfants, dont moi, qu'il avait eu, ma mère n'abandonna pas. Ma mère ne se dit pas que « Ah, j'ai fait l'enfant avec un homme, comme l'homme-là est incapable de payer la scolarité de nos enfants. Ah, je vais alors faire comment? Mon enfant va rester à la maison. » Peut-être même qu'il pourra aller apprendre un petit travail. Ma mère qui vendait de l'huile de palme au marché Lagos prit la responsabilité de financer mes études jusqu'à l'université. Alors qu'au commencement, cette brave mère et épouse avait dit à mon père, pendant tout mon cycle de l'école primaire, que toi, mon mari, occupe-toi seulement de la scolarité de notre fils. Moi, je m'occupe du reste tel que habits, chaussures, argent de poche et les petits soins. Ma mère, une religieuse, ressemblait exactement à la femme vertueuse de Proverbe 31 dans ce domaine-là. Parce que la femme vertueuse avait la pensée de Christ, elle savait que celui qui ne travaille pas, homme ou femme, ne doit pas aussi manger. Sauf s'il est maladif ou handicapé, ou un vieillard qui n'attend plus que de ceux qu'il a nourris, pris soin et élevés. Comment Christ nourrit-il son église et comment pourvoit-il à son église? Il nous nourrit et pourvoit à tous nos besoins en nous donnant de la semence afin que nous puissions la semer et moissonner au temps convenable. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et Dieu ne dit pas ceci seulement aux hommes, mais à tous ceux qui, hommes et femmes, qu'il a créés pour sa gloire et qui doivent le servir et l'adorer lui seul en esprit et en vérité. Et puis, enseignons dans nos maisons, dans nos écoles séculières et surtout dans nos assemblées chrétiennes que la sagesse divine sur la fourmi ne concerne pas seulement les hommes, mais tous les humains, hommes et femmes, que Dieu a créés à son image. Lui, le premier cultivateur, éleveur, pêcheur de poissons, chasseur de gibier, producteur de richesses, lui, le premier semeur et le premier moissonneur. Proverbe 6, verset 6. Homme, femme, va vers la fourmi, paresseux, paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais la fourmi prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, j'allais dire paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le taux de divorce est trop élevé dans le monde occidental dit chrétien. Parce que là-bas, la sagesse humaine, la séduction, le rationalisme, la manipulation et le sentimentalisme ont remplacé l'évangile éternel et pur de Jésus-Christ. Et puis, Jésus n'est pas un séducteur, ni un flatteur, ni un galant romantique selon la chair. Mais il est amour, direct, franc, honnête et jamais hypocrite ou menteur pour faire plaisir à son épouse pendant qu'il déplaît au Père Céleste. Chers amis, je suis à mon troisième mariage. Aïe, aïe, aïe, sans compter les concubinages. Et j'ai 9 enfants avec 4 femmes différentes. Aïe, aïe, aïe. Voilà, comme Saul de Tarse est devenu Paul, justifié par son sang précieux. Croyez-moi, en matière de mariage, de vie conjugale, par ma petite expérience et par l'aide du Saint-Esprit, je peux aider quelqu'un. Je peux aider un couple. Je peux aider une famille. Je peux aider une association religieuse ou chrétienne. Parce que, avant plusieurs parmi vous, et par sa grâce, j'ai eu à traverser victorieusement plusieurs fournaises ardentes, plusieurs fosses aux lions, plusieurs mers rouges, où plusieurs n'ont pas survécu dans le domaine du mariage. Même comme plusieurs cicatrices dans ce domaine sont nombreuses dans ma vie. Mais pour les témoignages qui glorifient Dieu. Alors, par le nom qui est au-dessus de tout nom, et surtout par son esprit sans lequel je ne peux rien faire de bon, je peux aider dans le domaine du mariage divin. À quoi donc chanter partout que la femme peut faire tout ce que fait l'homme? Qu'il faut qu'il y ait parité dans tous les domaines de la vie entre les hommes et les femmes. Si en même temps nous leur lavons le cerveau en leur disant que ce sont leurs maris qui doivent prendre soin d'elles, les nourrir et pourvoir à tous leurs besoins financiers et matériels. Ce que Adam ne faisait pas de Ève, mais Dieu seul. Ce que Adam n'avait pas enseigné à Ève, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait enseigné à Adam. La réponse se trouve dans le tiers-monde. Et surtout en Afrique, où les coutumes des peuples en matière de mariage homme-femme sont plus proches de la pensée divine qu'en Occident, qui pourtant veut tout nous dicter, même comment comprendre la Bible et l'enseigner. Dans nos villages, en Afrique, le taux de divorce tend vers zéro. Parce que là-bas, les femmes n'attendent rien de leur mari et elles bossent dur. Elles n'attendent pas d'être flattées par leur époux, même quand elles se trompent et font des erreurs, avant de mettre la main à la pâte pour plaire à Dieu seul. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Les femmes de nos villages reculés le savent mieux que les femmes dites émancipées des grandes villes. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louve. Nous avons l'impression que même les femmes religieuses et non croyantes le comprennent mieux et le mettent mieux en pratique que les femmes dites chrétiennes de nos églises modernes. Suivez mon regard. Chers amis, que vous soyez des femmes ou des hommes, ne tombez pas dans le piège de la religion et du sentimentalisme que le serpent ancien place sur nos chemins comme il avait fait dans une famille de vrais croyants, mais qui ne demeurait pas dans la parole de Dieu jusqu'à ce que la veuve et ses enfants frôlent le pire. Ces choses ont été faites et dites pour nous servir d'exemple dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée le prophète en disant: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit: « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oh, si tous les dirigeants spirituels enseignaient les femmes comme ça dans nos églises. Et elle retroussa ses manches et elle commença à travailler. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Voici ce que nous devons tous enseigner aux jeunes filles. Depuis nos maisons, depuis l'école du dimanche, et jusqu'à ce qu'elles soient dans les ministères des femmes mariées dans les églises. Il paraît que le serpent ancien ne demeure pas dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, cela est déjà une source de conflit, d'infidélité conjugale et même de divorce. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est pour cela que le corps de Christ encourage et sponsorise les mariages à bien commun, comme dans le cas d'Adam et d'Ève, comme dans le cas de la femme vertueuse de Proverbe 31. Et il est impossible de parler de mariage à bien commun quand ce n'est que l'homme qui doit tout pourvoir. Cela n'arrivera pas à ma femme et à mes enfants à qui j'apprends à travailler de leurs propres mains et que je finance pour qu'ils produisent tous de la richesse afin de se prendre eux-mêmes en charge. Surtout que je suis retraité depuis le 31 décembre 2010. Tout homme doit nourrir et prendre soin de sa femme comme Christ prend soin de son Église. Dans Genèse 8 au verset 22, notre Dieu nous dit que tant que le ciel et la terre seront, les semailles et la moisson ne s'arrêteront jamais. Il continue à nous dire que celui ou celle qui ne prend pas soin de ceux de sa maison est pire qu'un infidèle. Si nous sommes vraiment des chrétiens, hommes ou femmes, nous devons le prouver en étant aux yeux de tous des hommes vertueux et des femmes vertueuses, selon le Seigneur. Dieu a créé la femme à cause de l'homme qui avait besoin d'une compagne et besoin d'aide parce qu'il avait beaucoup de travail que Dieu lui avait donné. Alors, Dieu peut-il vous donner une aide qui n'est là que pour attendre d'être nourri par vous, d'être pourvu par vous et d'être soigné par vous? Alors, si tel est donc le cas, qui donc doit prendre soin d'Adam? Qui doit le nourrir et qui doit pourvoir à ses besoins? Dieu avait donc tort de dire qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Chères femmes qui m'écoutez, je sais que plusieurs parmi vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, plusieurs femmes souffrent, soit après le décès de leur mari, soit après que l'opération épervier ait saisi leur mari, soit après que leur mari ait été victime d'un accident qui les invalide. Pourquoi attendez-vous que vous soyez veuve? Pourquoi attendez-vous que vous soyez épouse d'un mari qui a perdu son emploi ou qui se retrouve en prison pour commencer à réfléchir sur les voies par lesquelles vous allez pouvoir manger et envoyer vos enfants à l'école? C'est pour cela que plusieurs femmes, et surtout les femmes mariées aujourd'hui, sont des prostituées. Depuis leur maison paternelle, leur père et leur mère ne leur ont pas donné l'éducation selon laquelle la femme a été créée pour qu'elle soit une aide à son mari. Elle doit donc être formée par ses parents et par les moniteurs de l'école du dimanche à travailler, à être une bosseuse, à être une femme vertueuse. Sinon, tôt ou tard, pas ta trace. C'est de là que les femmes, plus que les hommes, reçoivent la mentalité de la prostitution. Le mariage est divin. Il la nourrit et prend soin d'elle, selon Christ. Chers époux, nourrissons et prenons soin de nos épouses en les lavant par l'eau de la parole, comme Christ le fait pour l'Église. Et toute femme qui est vraiment lavée par l'eau de la parole ne peut pas avoir une mentalité de prostituée. Elle sera forcément travailleuse et vertueuse, comme la femme de Proverbe 31. Différente de la veuve de 2 rois 4 à partir du verset 1, qui avait suivi déjà les enseignements du sage concernant la femme vertueuse de Proverbe 31, mais elle a fermé ses oreilles à ces vrais enseignements de Proverbe 31 pour suivre les prédicateurs du New Age. Heureusement que, avant la catastrophe, elle s'était ressaisie. Chers amis, si vous voulez faire la paix avec Dieu, tout est accompli. Mort crucifié, Jésus-Christ a versé son sang précieux pour nous racheter des ruses du menteur et du destructeur. Il dit, je ne suis pas venu pour vous juger, mais je suis venu pour vous sauver. Chers amis, si vous le voulez, quel que soit l'endroit où vous êtes, baissez votre tête et priez avec moi. Dites simplement, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur, je crois au sacrifice sanglant de ton Fils unique Jésus-Christ sur la croix. Je crois qu'enterré, il vainquit la mort en ressuscitant le troisième jour. Désormais, de tout mon cœur, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Et je le reçois dans ma vie. Père, je te dis merci parce que je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu as fait de moi ton enfant, ton héritier et co-héritier avec mon époux, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas.